glacé sur la mousse. J'ai fait rouler les perles douces des gros œillets dans mon panier. Puis j'ai renversé quelques bonnes ivres de sucre blanc sur les fruits clairs qui cuisent dans ma cassine en cuivre. Flat la licha pour cet hiver. Ces petits airs